بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 107 dans l'explication du livre قرة عيون الموحدين, qui est le شرح de كتاب التوحيد, écrit par le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, qui était le petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, avec les explications et les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, حفظه الله تعالى. Et on est maintenant arrivé dans l'explication, dans le sharh du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, à l'endroit où il explique le hadith de Bibawan, al-Nazr, yani le nazr de celui qui avait posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait aller sacrifier un chameau ou une chamelle dans un endroit qu'on appelle Bawana. Donc on a expliqué le début de ce hadith. Déjà on a lu l'explication du Cheikh al-Fawzan. Et là, on est en train de lire l'explication du Cheikh Abdurrahman. Et on était rendu à l'explication d'une citation de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, yani à propos du sujet, donc, de la question qui avait été posée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Hal kana fihi aidun min a'yadihim » Est-ce qu'il y avait à cet endroit-là, yani une célébration qui était faite, hein, régulièrement? Donc, on a expliqué la signification du mot Eid, et c'est quelque chose qui se répète, dans lequel les gens se réunissent et se rassemblent. Ça peut être, comme on a dit, annuel, ou mensuel, ou hebdomadaire. Hein? Et donc, on était rendu à expliquer un point ici. Il dit, le Cheikh, « Wa minha yani fal Eid yajma' umuran minha yawmun a'id » كيوم الفطر ويوم الجمعة وعليكم السلام ورحمة الله. Donc le jour, un jour qu'on appelle un jour de Eid, un jour de on le traduit souvent par une fête, une célébration, mais linguistiquement son origine vient du fait que ça vient, que ça se répète, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle Al-Eid, yani Ya'oud, hein, ça revient. Et il a donné comme exemple de qu'est-ce qui est légiféré parmi les formes de Eid, Eid al-Fitr, et Eid al-Adha aussi, et Eid al-Jumu'ah, le vendredi, parce que c'est un Eid aussi, al-Jumu'ah. Et ça, c'est qu'est-ce qui est légiféré dans l'islam. Et il dit que ça peut être un jour dans lequel les gens se rassemblent pour faire des choses qui sont contraires à l'islam, soit que ce sont des rassemblements basés sur des coutumes, ou bien des adorations. Il dit « وَقَدْ يَخْتَصُ الْعِيدِ بِمَكَانٍ بِعَيْنِهِ » Ça se peut que ce soit un lieu de rassemblement. Ça se peut que ce soit un temps dans lequel les gens se réunissent. Ça se peut que ce soit un lieu dans lequel les gens se réunissent. Et le temps, c'est-à-dire que ça peut être à n'importe quel endroit. Mais à la date spécifique dans laquelle ces gens-là se réunissent, ils vont se réunir peu importe le lieu. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle « al-Aid al-Makani » Al-Zamani, pardon. Al-Zamani, c'est-à-dire c'est relié au temps. Al-Aid al-Makani, c'est lorsque les gens se réunissent dans un endroit spécifique. Et l'exemple de ça, on a donné pour qu'est-ce qui est légiféré, yani le Hajj. Hein, on se réunit à Mecca, et on se réunit à Mina, et on se réunit à Muzdalifa, et on se réunit à Arafat. Donc, ça, c'est l'exemple de qu'est-ce qui est légiféré par rapport à ça. Mais il y a des gens qui se réunissent à d'autres endroits qui n'ont pas été légiférés, hein? ça rentre dans les innovations aussi. Il dit وَقَدْ يَكُونُ مُطْلَقًا. Et ici Cheikh Al-Fawzan, il donnait un point, il mentionnait que il dit مِنَ الْعِيَادِ الْمُحَرَّمَةِ عِيَادُ الْمُنَاسَبَاتِ مِثْلُ عِيدُ مُنَاسَبَةِ الْمَوْلِدَ النَّبَوِي وَعِيدُ مُنَاسَبَةِ النَّصْرِ أَوْ الْجُلُوسِ عَلَى الْعَرْشِ كل هذه أعياد جاهلية سواء كانت زمانية أو مكانية ليس للمسلمين إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الجمعة في الأسبوع لأن الجمعة عيد أسبوعي وسميت عيدا لأن الناس يجتمعون فيه لصلاة الجمعة. Donc le Cheikh explique que il y a différentes sortes de عيد qui sont interdits. Et c'est le Eid de certaines occasions que les gens de Bid'a célèbrent, comme la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, j'ai eu une surprise. J'ai été choqué parce que j'étais parti régler certains problèmes dans le consulat d'un pays musulman. Et puis, c'était fermé. Alors que je ne m'attendais pas à ça. Mais quand on a su la raison pour laquelle c'était fermé, c'est ça qui était le plus choquant, parce que c'était, soi-disant, c'était parce qu'il y avait le Maulid Nabawi. Donc, il y en a qui célébraient ça hier, et il y en a d'autres qui célèbrent aujourd'hui, je ne sais pas. À la kulli hal, tout ça pour dire, on voit à quel point les bid'ahs sont ancrés dans les coutumes et les traditions dans certains pays musulmans, et comment c'est devenu même des jours fériés dans certains pays. Donc c'est triste que ce soit comme ça. Et la raison pourquoi je trouvais ça drôle, c'est parce que, subhanallah, j'en ai parlé presque toute la fin de semaine, et donc d'être confronté à ça de cette façon-là, ça m'a fait rire l'ironie de la situation, en fait. Donc, c'est ça. Ça, c'est des exemples. Eid al-Mawlid. Et Munasabat al-Nasr, ici, il y a eu une victoire quelconque. Les gens vont célébrer une bataille, le jour d'une bataille célèbre, ou le jour de lorsque quelqu'un a pris le trône. Par exemple, quand il est devenu roi ou quelque chose comme ça. Ça peut être parfois le jour de l'indépendance d'un pays que certains pays vont célébrer. Ça peut être le jour de la journée nationale, la fête nationale ou des choses comme ça. Tout ça, c'est des choses qui n'ont pas été légiférées. Puis ça ne fait pas partie de l'islam et ce n'est pas permis de célébrer ces choses-là. On avait parlé aussi au dernier cours des célébrations des anniversaires des individus, de chaque personne. Et ça aussi, on a expliqué que ça ne fait pas partie de l'islam et que ce n'est pas permis de célébrer ces anniversaires. Donc, il y a des gens qui essaient d'utiliser des arguments pour essayer de justifier ces pratiques-là. Et certains, le pire, c'est lorsqu'ils essaient d'utiliser des arguments sentimentaux. En voulant dire, ah, oh, mais c'est triste, si les enfants ne peuvent pas célébrer leurs anniversaires, c'est dommage, c'est triste, ils ne peuvent pas s'amuser, ils ne peuvent pas avoir un gâteau d'anniversaire, ils ne peuvent pas avoir des cadeaux. Les cadeaux, on peut offrir ça n'importe quand dans l'islam. Il n'y a pas une date spécifique. Et le prophète sallam, il dit dans le hadith, tahadu tahabbu, donnez-vous des cadeaux pour que vous vous aimiez entre vous. Donc, c'est pas nécessaire pour qu'on donne un cadeau à quelqu'un, que ce soit son anniversaire. On peut le donner à n'importe quelle occasion. Et en ce qui concerne les gâteaux, on peut en manger quand on veut. Il n'y a pas un jour spécifique pour manger des gâteaux, et encore moins lorsque c'est l'anniversaire. Donc, c'est un prétexte en réalité. Et donc, c'est ça. Ça fait partie de l'imitation des peuples mécréants et des mouchriquins. Et les musulmans n'ont pas le droit de participer à ce genre de célébration-là et de ce genre de fête. Et ils ne doivent pas être tristes de ça. Au contraire, ils doivent se réjouir d'avoir dans l'islam ce qui leur suffit comme, comme législation et comme célébration du Eid, Eid al-Adha, Eid al-Fitr, ainsi que le Jumu'ah qui vient à chaque semaine. Donc ça, c'est déjà une occasion. Et peut-être aussi parce que le fait que beaucoup de musulmans, disons que le Jumu'ah pour eux, c'est devenu un jour comme les autres dans certains pays. Pourquoi? Parce qu'on le ressent pas, surtout dans des pays qui sont pas musulmans. Donc le Jumu'ah, c'est un jour comme les autres, souvent. Parce que les gens, certains, ils vont même pas faire la prière de Jumu'ah, ils peuvent même pas la faire, soi-disant parce qu'ils travaillent. Donc ils vont pas à la salat. Ça, c'est déjà grave en soi. Mais sinon, ceux qui y vont, ils y vont, mais sans réellement faire revivre les sunan du Jumu'ah. Ils s'habillent comme le reste de la semaine. Et ils font les mêmes choses qu'ils font d'habitude. Il n'y a rien de particulier. Donc, d'une certaine façon, on ne ressent pas que c'est le Jumu'ah. À la kulli hal. Le cheikh dit ensuite wa kullu min hadhihi al-umur qad yusamma eidan. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا اليوم جعله الله للمسلمين عيدا. Donc tout ce qu'on a mentionné comme exemple, ça peut être un Eid. L'exemple que le cheikh a mentionné ici dans la parole du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il a dit que Allah a fait pour vous le Jumu'ah comme un Eid pour les musulmans. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, لأنه يتكرر كل أسبوع ولأن الناس يجتمعون فيه لصلاة الجمعة. Pourquoi on l'appelle Eid, le Jumu'ah? Parce que ça se répète chaque semaine et parce que les gens se réunissent ensemble pour prier. Il dit, والاجتماع والأعمال يعني كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc l'exemple aussi du fait que les gens se sont réunis pour faire des œuvres ensemble, comme par exemple faire la salat ensemble pour le Jumu'ah. Et l'exemple de la parole d'Abdullah ibn Abbas, il a dit, j'ai été témoin de la prière de Eid avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire salat al-Eid al-Fitr wa salat Eid al-Adha, les deux fêtes. En ce qui concerne le lieu, le cheikh il dit, wal makan ka qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tattakhidhu qabri Eidan. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne prenez pas ma tombe comme un lieu de visite ou un lieu de rassemblement. » Et Cheikh Al-Fawzan, il dit « Ay makanan tajtami'una fi li'annahum idha ijtama'u 'inda al-qabr ala dhalika ila 'ibadatihi wal-ghuluw fi wa lidhalika la yajuz at-tajammu' 'inda al-qabr bal إذا هو قادم من سفر يمر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم على صاحبي أبي بكر وعمر ويمضي فإذا أراد أن يدعو أو يصلي يذهب للمسجد النبوي ولا يصلي عند القبر أو يدعو عند القبر لأن هذا يعني يبعث على الشرك وعلى الغلو إذا رآه الناس والجهال فإنهم يتخذون هذا عبادة وربما يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به يعني كما هو الواقع فلولا أن الله قيد لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحميه لرأيتم العجب العجاب لكن الحمد لله لا يزال القبر مصونا ومحفوظا بحفظ الله ثم ولاة الأمور الذين يعتنون بحفظ القبر من الغلو ومن الاجتماع عنده وهذا من تيسير الله وإجابة للدعاء لدعاء الرسول صلى الله لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وقال ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران فما زال القبر مصونا ومحفوظا ولا يتمكن أحد من الجلوس عنده أو الوقوف طويلا أكثر من الوقوف وقوف السلام. Donc le cheikh il explique ici un point très intéressant. Il dit que yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on prenne la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un lieu de rassemblement et un lieu de Eid. Et le cheikh il explique que si les gens commençaient à se rassembler autour de sa tombe, eh bien, ça pourrait amener les gens à tomber dans l'adoration de la tombe ou bien dans l'exagération au sujet de la tombe. Et c'est pour ça qu'il n'est pas permis de se rassembler autour de sa tombe. Et il dit que si, par exemple, quelqu'un revient d'un voyage, ou quelqu'un vient d'un voyage, il arrive à Médine, il arrive à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a le droit à ce moment-là de passer et de saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les deux compagnons qui sont enterrés à côté de lui, Abu Bakr et Omar, et puis il continue son chemin. Et c'est important ici de noter que à la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été enterré dans la mosquée. Puisque la mosquée, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les maisons des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient à l'est de la mosquée. Et les premières expansions qui ont été faites après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des expansions qui ont été faites vers l'ouest, vers le sud et aussi vers le nord. Et ils évitaient de faire les expansions vers l'est, hein, à cause des maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans la maison de Aïcha, radiallahu anha. Et l'endroit où aujourd'hui il y a la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette chambre-là dans laquelle il est, c'est la maison de Aïcha, radiallahu anha. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lorsqu'il y a eu l'expansion vers l'est, eh bien c'est comme s'ils ont construit les murs et ils ont inclus la maison de Aïcha à l'intérieur du bâtiment. Parce qu'ils ont agrandi la mosquée vers l'est. Donc, la maison d'Aïcha radiallahu anha, elle ne fait pas partie à la base de la mosquée. Hein? Elle est en dehors de la mosquée. Donc, il ne faut pas comprendre, à cause de ça, qu'il ne faudrait pas comprendre que la mosquée, que la tombe est dans la mosquée. La tombe est dans la maison d'Aïcha et non pas dans la mosquée à l'origine. Donc, il y a des gens, parmi les gens de Bid'a, lorsqu'ils font construisent des mosquées sur des tombes, et quand tu leur dis, mais pourquoi vous faites ça? Ça, c'est interdit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de construire des mosquées sur des tombes, ou de mettre des tombes dans une mosquée. Et eux, ils essaient d'utiliser l'exemple de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour dire, ah oui, mais à Médine, la tombe est dans la mosquée. Hein? Donc, ça, ils essaient d'utiliser ça comme un prétexte ou comme un argument. Sauf qu'à la base, la mosquée, elle ne comprenait pas la maison d'Aïcha. Et elle a été introduite, la maison d'Aïcha a été introduite à l'intérieur de la mosquée par la suite. Et donc, et lorsque ça a été fait, ça n'a pas été fait avec l'accord des ulamas de l'époque. Hein. Donc, c'était une décision purement politique. Donc, il n'y a pas d'argument ou de preuve dans cet acte-là pour supporter ceux qui construisent des mosquées sur les tombes ou qui mettent des tombes dans les mosquées. Et donc, par rapport à ça, ensuite, le cheikh, il explique que ça amène le fait que les gens se réunissent autour de cet endroit-là malgré qu'il y a des murs qui le protègent, eh bien, ça peut amener les gens à tomber dans l'exagération. Mais si quelqu'un, comme on a dit, il revient d'un voyage, il peut faire le salam. Il passe, il donne le salam au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Abu Bakr et Omar, et puis il continue son chemin. Pendant le reste de son séjour, il ne va pas retourner continuellement pour le faire. C'est-à-dire que si quelqu'un il s'en va à Médine et dans son voyage, c'est prévu qu'il reste une semaine à Médine avant d'aller à la Mecque ou après être passé à la Mecque, après avoir fait la Umrah, il vient à Médine, il passe quelques jours ou une semaine ou plus ou moins. Il ne va pas y retourner régulièrement ou plusieurs fois pour saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en passant devant sa tombe, non. Hein, ou en passant devant la maison d'Aïcha, radiallahu anha. Non, il va uniquement y aller la première journée ou la première fois quand il passe. Après, le reste du temps, il va faire ses prières et ça s'arrête là. Et ça, c'est la sunna et c'est ce que les sahaba faisaient après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'y allaient pas régulièrement, mais uniquement lorsqu'ils revenaient d'un voyage. Et le cheikh, il dit, quand quelqu'un veut faire des du'as ou quand il veut faire la salat, il va à la mosquée. Il ne va pas aller prier là où il y a la tombe ou faire des du'as là où il y a la tombe. Il dit, sinon, ça risque d'inciter les gens à tomber dans le shirk ou dans l'exagération lorsque les gens vont voir cette personne-là faire ça. Et ils vont prendre ça comme une adoration. Et il y en a même qui vont peut-être aller jusqu'à demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou appeler au secours le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour des problèmes qu'ils ont. Et ça, c'est des choses qui se sont produites déjà de la part de certains ignorants, malheureusement. Et alhamdoulilah, actuellement en Arabie Saoudite, si quelqu'un va là-bas, il va voir qu'il y a des grilles qui ont été placées. Hein, de chaque côté de la tombe pour empêcher les gens de pouvoir tourner autour. Parce que à l'époque, avant avant que, yani, disons, la da'wa salafia soit établie dans les villes saintes de la Mecque et de Médine, auparavant, c'était les Ashraf qui géraient la Mecque. Okay, la famille de Al-Ashraf. Ils étaient, disons, en relation avec la famille, avec l'Empire ottoman. Donc, ils dirigeaient la Mecque et Médine. Et ils étaient associés avec l'Empire ottoman. Et à l'époque, des gens ont décrit ce qu'il y avait à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont décrit aussi qu'est-ce qu'il y avait à la Mecque et qu'est-ce qu'il y avait dans Al-Baqi', hein, c'est-à-dire le cimetière à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a même certaines photos qui ont été prises de cette époque-là. On voyait les dômes et les oratoires et les orifices, les mausolées construites par-dessus les tombes. Et lorsque la da'wa salafia, yani, qui a été revivifiée avec Mohammed ibn Abdul Wahhab en Arabie, a pris le dessus, yani, puis a réussi à justement reprendre en main les lieux saints, eh bien, toutes ces innovations et ces bid'ahs et ces formes de shirk ont été nettoyées, alhamdulillah. Et donc, il y a cette barrière aujourd'hui qu'on voit pour empêcher les gens de faire le tawaf autour de la tombe. Parce que les gens de Bid'a, ils aiment ça faire le tawaf autour des tombes. Et ils pensent que ça, c'est quelque chose qui est légiféré. Et tu le vois dans certains pays où les gens n'ont pas encore compris la réalité de l'islam. Eh bien, ils vont dans des tombes de certains awliya, comme ils les appellent. Et puis, ils font le tawaf, ils tournent autour de la tombe de la personne. Or, le tawaf, c'est uniquement légiféré autour de la Kaaba. Et en dehors de la Kaaba, on n'a pas le droit de faire le tawaf autour de quoi que ce soit d'autre. Sinon, c'est du shirk. Hein? Et également, ils ont mis cette barrière. Et aussi, il y a des agents, hein, des soldats, des agents de sécurité, si on veut, des soldats qui sont présents pour empêcher les gens de faire des manifestations d'extrémisme ou d'exagération et de shirk, s'ils voient quelqu'un qui se prosterne ou bien qui font des formes de bid'ah ou de shirk ou qui font des doigts devant la tombe, en direction de la tombe ou des choses comme ça, ils vont les forcer à circuler. Maintenant, imaginez s'il n'y avait pas ça. Imaginez s'il n'y avait pas cette protection-là qui était installée. Et qu'il n'y avait pas eu ces gens-là pour justement empêcher les gens à tomber dans l'exagération, dans les bid'ahs et dans le shirk même. On aurait vu, comme le cheikh il dit, on aurait vu des choses étonnantes se produire. Et même pendant le temps que j'ai été étudiant à Médine, j'ai vu certaines choses qui se sont produites pendant mes années là-bas. Et j'ai été souvent choqué de qu'est-ce que j'ai vu. Et on est de la part des Shia Rafida, de la part de certains autres musulmans de différents pays qui viennent là-bas et qui font toutes sortes de bid'ah et de shirkiyat. C'est incroyable. On se demande qu'est-ce qu'ils ont appris, où est-ce qu'ils ont appris leur religion pour revenir pour revenir vers la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire ce genre de choses. Et une chose que j'avais vue qui m'avait vraiment étonné une fois, c'est que à l'extérieur de la mosquée, à l'intérieur d'une des fentes du mur, quelqu'un avait mis une photo la personne avait accroché la photo dans la fente du mur allant à la hauteur ou à l'endroit où il y avait la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il avait écrit son nom en arrière de la photo et comme c'est ce qu'il veut, hein. Et puis il a laissé ça dans la fente du mur. Et donc c'est pour dire, subhanallah, comment des gens ont des croyances étranges, de penser que en mettant la photo là où il y a la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que est-ce que ils pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les exaucer, voir leurs photos, ou comme s'il avait le pouvoir de les exaucer. Ça, il n'y a pas de doute que c'est du shirk, hein? Allah al-musta'an. Et certains parmi les ulamas ont mentionné que à l'époque où les ulamas et les mashaykhs de la da'wa salafia, quand ils ont pris le contrôle de la Mecque et de Médine et qu'ils ont ouvert pour la première fois la chambre de Aïcha radiallahu anha pour aller à l'intérieur, on a trouvé à l'intérieur des exemples de shirk et des choses que des lettres que des gens avaient envoyées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois même certains gouverneurs de certaines régions, de certains pays qui écrivaient des lettres au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'appeler au secours, hein, ou pour lui demander de l'aide ou des choses de ce genre. Donc tout ça, c'est des exemples de shirk, yani, que les gens faisaient. Yani, nasallallahu al-afiya. Et donc le cheikh, il dit, s'il n'y avait pas toute cette protection-là, et si Allah Azza wa Jal n'avait pas justement placé cette protection-là, hein, pour protéger la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aurait vu des choses étranges. Et ça fait partie justement de la réalisation de cette dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Oh Allah, ne fais pas ma tombe devenir une idole qui est adorée. » Et donc, elle a été protégée de cette façon par la protection d'Allah et aussi par les dirigeants, alhamdoulilah, de l'Arabie Saoudite actuelle qui sont en train de la protéger contre les formes de manifestation d'extrémisme et de shirk, de bid'a, là-bas. Et le cheikh, il dit, donc, elle continue d'être protégée. Et même l'imam Ibn al-Qayyim, il dit, « فَأَجَابَ رَبُّ الْعَلَمِينَ دُعَاءَهُ » Allah, il a exaucé son invocation, c'est-à-dire l'invocation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « فَأَحَاطَهُ بِثَلَاثَةِ الْجُدْرَانِ » Et il a entouré sa tombe de trois murs. Si vous allez sur YouTube, je pense que vous pouvez trouver la vidéo où on montre la chambre de Aïcha radiallahu anha, et il y a une personne qui est en train d'expliquer aussi comme le plan de la chambre de Aïcha où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré et où Abu Bakr et Omar ont été enterrés, et les protections qu'ils ont placées ou qui ont été placées à l'intérieur de la chambre pour empêcher que les gens, lorsqu'ils prient en direction de la Qibla, puissent faire face justement à la tombe. Et ils ont mis donc un triangle qui est dans le sens opposé de la pointe du triangle fait face à la direction opposée de la Qibla. Donc quand quelqu'un prie en direction de la tombe, eh bien c'est comme s'il priait vers la pointe du triangle. Donc il ne fait pas face à la tombe elle-même. Hein? Donc ils ont mis un mur en forme de triangle pour empêcher que les gens puissent faire face à la tombe lorsqu'ils prient. Yani, c'est une des protections qu'ils ont faites. Et également, donc, il y a beaucoup d'autres choses. Donc déjà, comme j'ai dit, la maison de Aïcha qui est présente, et les grillages qui ont été placés aussi pour les empêcher. Donc tout ça, c'est des choses qui ont été mis en place pour protéger donc les musulmans et protéger les choses pour éviter que les gens tombent dans ces formes de rouleaux. Non. Donc le cheikh ensuite il explique et il dit وَقَدْ يَكُونُ لَفْظُ الْعِيدِ اسْمًا لِمَجْمُوعِ الْيَوْمِ وَالْعَمَلْ فِيهِ وَهُوَ الْغَالِبُ كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا انتهى. Donc ensuite Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans cette citation, il dit que c'est possible également que le terme du Eid soit utilisé pour un ensemble de tout ce qui comprend un jour en particulier et les actions qu'on fait pendant ce jour-là. Et il dit ça, c'est qu'est-ce qui est le plus connu. C'est-à-dire que le lieu et le moment soient réunis ensemble pour cette célébration-là. Et il donne un exemple ici, il dit qu'à Qawli Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit à Abu Bakr, yani, laisse-les, car chaque peuple a une célébration, ou bien un jour de Eid. Et le cheikh, il explique, cheikh Al-Fawzan, il dit, لَمَّا غَنَتَ الْجَارِيَتَانَ الصَّغِيرَتَانَ يَوْمَ الْعِيدَ عِنْدَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِمَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا يعني متفق عليه دل على أن الفرح اليسير في يوم العيد مشروع إذا لم يكن فيه منكرات وأما الذي يجعل أما الذين يجعلون يوم العيد حفلات وعرضات وطبول فهذا محرم لا يجوز. Donc le cheikh explique le contexte de ce hadith et pourquoi Abu Bakr radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit laisse-les car chaque peuple a son Eid. C'est parce qu'il y avait deux jeunes filles, hein, deux enfants qui chantaient des chansons en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et yani, c'était le jour de Eid. Alors le prophète Abu Bakr radiyallahu anhu a comme réprimandé, hein, ces deux petites filles, hein, pour qu'est-ce qu'elles faisaient quand elles chantaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laisse-les Abu Bakr, hein, parce que chaque peuple a son Eid. Et le cheikh, il dit, cheikh Al-Fawzan, il dit ça, c'est la preuve que la réjouissance, hein, et yani, le réjouissance pour le jour de Eid, c'est quelque chose qui est légiféré. Et il dit, et ça, c'est bien entendu à condition qu'il n'y ait pas de choses répréhensibles dans ces réjouissances-là. Et il dit, tandis que ceux qui font le jour de Eid comme un jour de yani, dans lequel ils font de la musique et des instruments, puis tout ça, il dit ça, à ce moment-là, ça, c'est pas permis. Donc, il y en a qui passent d'un exemple qu'ils trouvent dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et puis ils vont l'étirer, comme on dit, hein, pour se permettre de faire des choses qui dépassent même les limites de ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a permis. Donc, c'est de l'exagération. Hein. Quand on parle de deux petites filles, hein, qui sont même pas pubères et qui chantent des chansons. Et yani, c'est des chansons de tradition, hein, des chansons traditionnelles que les enfants chantaient à l'époque. Ça n'a rien à voir avec les chansons que les gens chantent aujourd'hui. Hein? Dans le sens que aujourd'hui c'est des chanteuses professionnelles qui sont qui sont engagées pour venir faire des chants dans ces journées de Eid et parfois des chanteurs aussi hommes et avec des instruments de musique de toutes sortes et avec la mixité et la danse et même parfois des choses pires que ça. Donc tout ça pour dire, yani, de passer pour dire que parce qu'il y avait des jeunes filles qui chantaient et qui frappaient le dof, hein, ça c'est une chose, mais qu'est-ce que ces gens-là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils se permettent de faire, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Et en même temps, c'est pas des anachides, hein, dans le sens que c'est pas des chants religieux qu'elles chantaient, ces petites filles-là. Hein? C'est des chansons traditionnelles. C'est pas des chants religieux, parce que dans l'islam, il n'y a pas de chants religieux. Et qu'est-ce que les gens appellent aujourd'hui comme des anachides islamiques? En fait, ça n'existe pas en islam. Ça vient des soufis. Les chants religieux, ça vient des soufis. Et ils pensent que Et en faisant ces chants-là, ils font yani quelque chose que Allah aime et qu'ils se rapprochent d'Allah en chantant ces chansons-là. Or, ça vient des chrétiens. Et ça vient des soufis. C'est les chrétiens que tu vois. Et si vous voulez les voir, il y a l'église en bas, vous allez voir comment ils chantent et comment ils dansent. Hein? Donc, ces gens-là, ils pensent que tu peux faire, ils font la même musique que qu'est-ce que tu entends à la radio ou bien qu'est-ce que tu entends dans la musique populaire. Sauf que la seule différence, c'est qu'ils changent les paroles puis ils mettent Jésus dedans. Eh bien, aujourd'hui, il y a des chanteurs soi-disant islamiques qui font la même chose. Et je suis tombé sur un truc là l'autre jour, yani, subhanallah, j'étais vraiment surpris. J'ai oublié le nom de la personne au complet, mais il y a Zayn dedans, quelque chose comme ça. Et il y avait une foule de monde qui était dans la rue, hein, et lui, il était sur un genre de stage, comme on dit, un stage, une scène, hein, avec les éclairages, la musique et tout. Et puis, il commençait à chanter « Rasulallah, Ya Rasulallah » et des choses comme ça, comme si. Hein. Et parce qu'il dit « Rasulallah » sallallahu alayhi wa sallam, et parce qu'il mentionne des choses de l'islam, ça devient halal. Alors que, qu'est-ce qu'il fait? Yani, c'est exactement la même chose que tous les chanteurs et hein, les vedettes, là, qu'est-ce qu'ils font? C'est la même chose. Donc, c'est d'essayer de rendre islamique quelque chose de haram, de la musique. Juste parce que tu dis dans ta chanson une parole qui est religieuse, ça ne rend pas la chanson licite. Et même peut-être que cette chanson-là ou ce style de musique-là est plus grave, même plus dangereuse que les musiques populaires que les gens écoutent, qui ne sont pas des musiques soi-disant qui parlent de religion. Pourquoi? Parce que cette musique-là que les gens chantent, qui est soi-disant religieuse, eh bien, ils le font presque rentrer dans l'adoration. Tandis que les autres musiques, les gens les écoutent, et à la limite, ils savent que c'est haram. Hein? Tandis que l'autre, quand ils écoutent cette musique populaire, ils ne vont pas dire « Alhamdulillah » en l'écoutant. Ils ne vont pas dire « Masha'Allah » en l'écoutant. Ils vont dire « Astaghfirullah » à la limite. Tandis que la musique religieuse, soi-disant les anachides islamiques, en guillemets, parce qu'il n'y a pas d'anachides islamiques, on peut dire les anachides traditionnels, si c'est des paroles de poèmes ou des anachides arabes, dans ce cas-là, oui. Mais si c'est des anachides qu'on appelle islamiques, ça veut dire Allah, il les a légiférés. Et anachides, Allah ne les a pas légiférés, donc on n'a pas le droit de les appeler islamique. D'accord? Donc ça, c'est important à mentionner aussi à ce sujet-là. Et donc, le fait de faire des chants, par exemple, ou les jeunes filles qui chantent, elles jouent le douf entre elles, avec, ou bien avec les femmes, ça, c'est permis dans les jours de fête ou quand il y a un mariage. Mais de là à ce que les hommes aussi jouent le douf et qu'ils se mettent à chanter ou des choses comme ça, ça aussi, c'est pas permis. C'est seulement permis pour les femmes. Naam. Et il y a des explications des ulama détaillées à ce sujet-là dans ces contextes. Il y a des explications là-dessus, très détaillées des ulama à ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qu'il explique ensuite? Le cheikh, il dit « وَقَدْ أَحْدَثَ هَؤُلَاء الْمُشْرِكُونَ » أعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا كمولد البدوي بمصر وغيره بل هي أعظم ما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة. Donc ici le cheikh il dit que ces mushrikoun, les gens aujourd'hui qui adorent les tombes, hein, les adorateurs de tombes, ils ont aussi des ayades qu'ils font, des jours de Eid qu'ils font autour des tombes de ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah. Et ils appellent ça un Eid aussi. Comme par exemple, quand c'est le Maulid, Et il ne faut pas penser que les soufis, ils font juste célébrer le Mawlid al-Nabawi. En fait, le Mawlid al-Nabawi pour les soufis, c'est seulement un prétexte pour pouvoir ouvrir la porte à faire le Mawlid de tous les autres chouyours soufis qu'ils veulent vénérer en dehors d'Allah et adorer en dehors d'Allah. Donc quand il te parle là, du Mawlid al-Nabawi, c'est juste la cerise sur le gâteau. Après le Mawlid Nabawi, il y a le Mawlid de tel cheikh et de tel cheikh et de tel cheikh. Et dans chaque pays, dans chaque ville, il y a le Mawlid d'un autre wali, hein, un soi-disant saint ou des choses de ce genre. Et chez les Shia, la même chose. Dans chaque ville, il y a un Eid pour le Mawlid de tel, la naissance d'un tel, la naissance d'un tel. Et ils célèbrent ça, ils font des fêtes à chaque fois. Et donc, il donne l'exemple du Mawlid d'un des chouyours soufis qu'ils appellent Al-Badawi, qui est mort dans la ville de Tanta, en Égypte, où les gens, chaque année, vont faire un gros pèlerinage, où il y a des millions, je ne dis pas des milliers, des millions de gens qui se réunissent à chaque année. Et il y en a d'autres également, dans d'autres pays, dans d'autres villes. Et il dit, ça c'est... Il y en a dans ces endroits-là que tu trouves le plus de manifestations de shirk et de grands péchés, hein, quand ils font ces célébrations-là. Parce que tous ces rassemblements de personnes dans ces lieux-là, pour cette occasion-là, ça amène avec ça toutes sortes de prétextes aussi pour justifier d'autres choses qui se passent. Des choses halal, des choses haram, et des choses kufr, et des choses shirk, et ainsi de suite. Allah musta'an. Maintenant, le Cheikh Al-Fawzan, il commente là-dessus, il dit « Al-Shi'atu al-Fatimiyoun al-Batiniyoun qabbahahumullah lamma hakamu Misr wal-Maghrib ahtathu fihim a'yad al-Jahiliya a'id al-Badawi a'id al-Imam Fulan a'id kaza banaw ala al-Qubur wa banaw ala ma yusammounahu qabr al-Husayn wa yusammounahu qabr al-Sitt Nafisa » إلى آخره. وهذه من مخلفات الشيعة الباطنية وما زالت مع الأسف إلى الآن، لأنها لم يقيد لها من الدعاة إلى الله ومن الولاة ما حصل في هذه البلاد من تعاضد الدعاة والولاة على إزالة هذه الشركيات، فبقيت في مصر إلى الآن. وقبر الحسين رضي الله عنه ليس بمصر، هذا كذب. الحسين قتل في كربلاء ودفن في كربلاء، ويقال إن رأسه رضي الله عنه نقل إلى الشام لأنها محل الخلافة، وأما أن رأسه في مصر فهذا غير صحيح، فليس في مصر من بدن الحسين رضي الله عنه شيء، بل يقال إن المدفون فيه نصراني، وسواء كان نصرانيا أو غيره، حتى لو أن الحسين رضي الله عنه كله دفن في هذا المكان لا يجوز بناء المسجد عليه. نعم. Donc ici le Cheikh il explique que les Shia al-Fatimiyoun, il y a eu une époque où il y a les Shia ont réussi à un certain moment dans l'histoire de prendre le pouvoir dans beaucoup de régions du monde musulman. Et ils ont réussi à prendre le pouvoir en Irak, au Yémen, et en Égypte, et en Afrique du Nord. Il y a une période de l'histoire où ils ont réussi à s'installer et à gouverner pendant un bon bout de temps. Hein? Et donc, pendant cette période-là, donc eux, c'est Shia, ils se sont donnés, ou ils ont donné le nom à leur dynastie, là, yani Al-Fatimiyya, ou Al-Fatimiyoun. En français, on dit les Fatimides. Mais ces gens-là, c'était pas seulement des Shia, c'était des Batiniyoun, c'est-à-dire parmi des sectes ésotériques, yani mécréantes des Shia. comme les Ismaélites, hein, comme les Ismaélites et les Druzes et les Nusayriyas. Donc ces gens-là, ils ont à un certain moment donné, c'est eux qui dirigeaient l'Égypte et le nord de l'Afrique, c'est-à-dire l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Toute cette région-là, c'était les Shia Fatimiyoun, hein, qui régnaient. Aussi Al-Ubaidiyoun. Al-Fatimiyoun et Al-Ubaidiyoun. Donc, ceux-là, quand ils ont régné dans ces régions-là, ils ont inventé toutes sortes de bid'a. Et parmi les exemples de bid'a qu'ils ont inventés, le Eid, hein, le Eid de Al-Badawi, le Eid de tel imam, Et c'est à cette époque-là aussi où ils ont commencé à faire les mausolées, à construire des mausolées sur les tombes, hein, de leurs imams en Égypte. Et c'est là où ils ont introduit aussi le Maulid al-Nabawi. C'est à cette époque-là que ça a été inventé. Donc c'était à peu près 4 ou 5 siècles après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont construit également en Égypte une tombe sur une mosquée sur la tombe de Al-Hussein. Et aussi sur une autre tombe d'une femme qui s'appelle Nafisa. Et d'autres encore. Et donc tout ce qui reste de ces constructions-là aujourd'hui, ça reste de ce que les Shia Batiniya avaient construit à l'époque en Égypte, à cette époque-là. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Hein, parce qu'il n'y a pas eu malheureusement des douates qui ont eu un impact assez fort pour influencer les responsables pour qu'ils puissent justement enrayer ces différentes formes de shirk. Et c'est pour ça que c'est resté jusqu'à maintenant, malheureusement. Et le cheikh, il explique que la tombe d'Al-Hussein, elle n'a rien à voir avec l'Égypte. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est-à-dire que la tombe d'Al-Hussein n'a aucune place. Elle n'a aucune réalité en Égypte. Pourtant, quand vous allez en Égypte, vous allez trouver la tombe de Al-Hussein. Al-Hussein, radiyallahu anhu, le petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Fatima et de Ali, radiyallahu anhum ajma'in. Et donc, tu te poses la question, mais Ali, comment ça se fait qu'il y a une tombe comment il y a une tombe de Hussein en Égypte alors qu'il est mort à Karbala? Il est mort à Karbala, il est enterré à Karbala, en Irak. Donc, pourquoi ils ont fait une tombe de Al-Hussein en Égypte? Il dit, ça c'est un mensonge à la base. Et le cheikh, il dit, il y en a qui prétendent que sa tête, hein, parce que quand il a été tué, ils avaient coupé sa tête. Et des fois, c'est ce qui arrivait à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient pour prouver que telle ou telle personne était morte. Ils voulaient la preuve que c'était vraiment lui qui était mort, il prenait la tête pour l'amener, hein, pour montrer que c'était elle qui était, cette personne-là qui était morte vraiment. Et donc, il dit, à la limite, ils avaient amené sa tête en Syrie, parce que c'était à cette époque-là, c'était là-bas qu'il y avait le Khilafa. Mais de dire que sa tête était amenée en Égypte et qu'ils ont fait une tombe pour sa tête, et que c'est ça qui est là-bas actuellement, le cheikh, il dit ça, c'est pas vrai. Et il dit, mais il n'y a pas, donc le corps de Hussein n'a pas été enterré en Égypte, ni sa tête. Et certains disent que c'est un chrétien qui est enterré là en réalité. Et le cheikh, il dit, peu importe que ce soit un chrétien, ou que ce soit quelqu'un d'autre, ou que ce soit Al-Hussein qui serait enterré là, eh bien, on n'a pas le droit de construire une mosquée sur sa tombe. Peu importe. Parce que de construire des mosquées sur les tombes, ça c'est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a clairement interdit. Il a même invoqué la malédiction sur les juifs et les chrétiens pour avoir fait ça. Donc ça c'est la preuve que c'est interdit de le faire. Et en ce qui concerne l'exemple de celui qu'ils appellent Al-Badawi, et ils prétendent que c'était un wali, alors que c'était un pervers, hein, un homme connu comme pour le mal et la perversité, un hérétique qui ne faisait pas la salat, qui ne se purifiait pas. Hein. Et donc le cheikh il dit فالبدو يزعمون أنه ولي من أولياء الله وأنه لما مات دفن في هذا المكان وهم يتخذون الأولياء أربابا من دون الله ويغلون فيهم مع أن البدوي قيل فيه ما قيل من الفجور والشر كما هو مذكور في ترجمته. Et ceux qui disent ça à son sujet, c'est-à-dire au sujet de Al-Badawi, qu'il était pervers, qu'il ne faisait pas la salat et qu'il ne se purifiait jamais, ne faisait jamais le wudu ni le rusul, ce n'est pas les ennemis des soufis, c'est écrit dans leur livre à eux. C'est eux qui disent ça à son sujet et ils font même de ça une preuve que c'était un wali parce qu'il ne se purifiait pas. Ils disent tellement qu'il était yani, à un autre niveau, et il n'avait pas besoin de se purifier. Donc c'est ça les exemples d'exagération et d'extrémisme que tu retrouves dans les livres même des soufis. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit bal hiya a'zamu ma yujadu fiha min ash-shirk wal ma'asi. Donc c'est ça les exemples que le cheikh a mentionné ici par rapport à ça. Et aussi je voulais mentionner parce que il y a des shubuhat que les gens de Bid'a ils mentionnent parfois pour essayer de justifier les célébrations de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dernièrement, il y a un frère justement aujourd'hui qui m'a envoyé un de ces exemples-là. Bon, c'est pas des gens qui ont du ilm de l'islam. La personne, elle se décrit elle-même comme étant un professeur de mathématiques. Donc, c'est-à-dire que la personne, elle n'a pas fait d'études religieuses. Et donc, elle ne connaît pas nécessairement la aqida et la sharia. Mais juste pour dire comment parfois certains, ils ramènent des shubuhat pour essayer de justifier les bid'ah. Et juste pour vous montrer un exemple. Comment il commence au début dans son texte. Donc, j'ai trouvé que c'était grave de la façon comment il présente ça, parce que tu vois que il essaie de jouer avec les sentiments des gens. Oui. Il dit, l'on entend dire que le Maulid est un mimétisme, une imitation de Noël. Et après, il dit, drôle est cette idée de wahhabite en herbe, qui est le chrétien et le chiite. Hein? Donc, c'est bizarre, Yanné, cette façon de parler comme s'il veut se moquer. Hein? Ça paraît dans le ton de la personne, les expressions qu'il emploie. Et il traite ceux qui interdisent la bid'a de wahhabite. Et après, il dit, qui est le chrétien et le chiite. Hein? Comme si ce n'était pas quelque chose qui était supposé être. Parce que le mu'min, le croyant, il est le chrétien et le chiite, et il est le kuffar, les kuffar en général. Mais il les hait pourquoi? Et il déteste pourquoi? Il déteste à cause de leur shirk. Il déteste à cause de leur kuffar. Il les déteste parce que c'est des gens qui disent à propos d'Allah des mensonges. Ils disent que Jésus c'est Dieu incarné, que c'est le Fils de Dieu, hein, que Dieu est une trinité, et ils adorent Jésus en dehors d'Allah, et ils disent que Marie c'est la mère de Dieu, et ils l'adorent en dehors d'Allah. Hein. Donc c'est pour cette raison-là que les musulmans ils les haïssent et ils les détestent, uniquement pour ça. Hein. Et les chiites, la même chose. Les chiites, ils prient à Ali, à Hussein, et ceux qu'ils appellent Ahlul Bayt, la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils les adorent en dehors d'Allah. Hein? Et ils leur donnent, hein, ils donnent aux imams des chiites, les soi-disant 12 imams, ils leur donnent des caractéristiques divines, hein, ils les prennent presque pour des divinités, et ils croient qu'ils ont la connaissance du raïb, ils savent l'invisible, Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et qu'ils contrôlent les atomes de l'univers. Et qu'ils ont une wilaya devant laquelle tous les atomes de l'univers se prosternent. Hein? Ils disent, nos imams, les atomes de l'univers se prosternent devant leur autorité. Yani, subhanallah. Ça, c'est du shirk dans la rububiya. Hein? Même les mouchriquins de Quraysh, ils ne faisaient pas le shirk dans la rububiya. Mais eux, ils vont jusqu'à faire le shirk dans la rububiya. Ben, c'est de eux qu'on est en train de parler. C'est de eux qu'on est en train de parler. Hein? Al-Khomeini, dans son livre, Al-Hukumat al-Islamiyya, il dit ça à propos des 12 imams. Et après, ils se disent musulmans. Donc, tout ça pour dire, Yani, subhanallah, si toi, tu n'es pas d'accord avec ce que... si tu n'es pas d'accord, ou bien plutôt, si toi, tu condamnes ce que ces gens-là font, hein, on te traite de wahhabite. On dira, c'est wahhabite, cette idée drôle de wahhabite en herbe. C'est comme ça qu'il dit. Et après, regardez qu'est-ce qu'il dit. Et chez eux, en Arabie Saoudite, comme ailleurs dans le monde, partout, les mosquées ont des minarets. Or, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas fait de minaret. Le minaret, c'est chrétien. Est-ce une bid'a pour autant? Donc, il essaie de dire par la suite, quel mal y a-t-il de profiter du bien que Dieu a fait à autrui? Noël est un succès chrétien, hein? Un peu comme les minarets des mosquées. Hein? Et il dit, excusez-nous d'en profiter pour honorer le prophète. Regardez comment il parle. Et ce raisonnement, c'est un raisonnement d'une personne qui n'a pas compris l'islam. Parce que si ce qu'il dit est vrai, que les minarets, ça vient des chrétiens, et que ça ne fait pas partie de l'islam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de minaret à sa mosquée, si c'est vrai, c'est une bid'a. Hein? Si ça vient vraiment des chrétiens comme il le prétend, parce que yani, les synagogues à l'époque de Isa alayhi salam, et les lieux de culte à l'époque de Isa alayhi salam, ils n'avaient pas de minaret. Et à l'époque de Isa, il n'y avait pas d'église. Isa, Jésus, n'a jamais mis le pied dans une église de sa vie. Parce qu'à son époque, il n'y avait pas d'église. Les églises sont apparues bien longtemps après Isa. D'accord? Donc, de dire que les minarets, ça vient des chrétiens, peut-être que ça vient des chrétiens, mais ça ne vient pas de Isa, alayhi salam. Et les ulama d'Ahl al-Sunnah, ils ont expliqué qu'effectivement, les minarets, ça n'existait pas sur la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si c'est une bid'a, comment tu vas utiliser une bid'a pour justifier une autre? Hein? Ça, c'est comme on dit, il y a une qiyasun fasid. Tu veux prouver la validité d'une chose par quelque chose qui est, en soi, même pas valide non plus. Donc ça, c'est l'argument de quelqu'un qui base son argument sur le faux. Hein? Quelque chose... Exactement. Si le minaret, c'est une bid'a, donc ça veut dire que c'est haram. Tu n'as pas le droit de le faire. Et le maulid aussi, c'est une bid'a, parce que c'est l'imitation des chrétiens qui fêtent Noël. Et même chez les chrétiens, le Noël est une bid'a. D'accord? Donc, d'utiliser ça pour essayer de dire, parce que les mosquées ont des minarets, ça veut dire qu'on doit permettre le maulid al-Nabawi. Alors ça veut dire qu'on ouvre la porte à toutes les bid'as. Ça veut dire que peu importe, n'importe quelle personne va ramener n'importe quelle bid'a, il faut pas l'interdire. Pourquoi? Parce qu'il y a des minarets sur les mosquées, et parce qu'on fait le maulid al-Nabawi, hein, et qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Donc ça, c'est l'argument de quelqu'un qui ne tient pas compte des textes du Coran et de la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, quiconque fait quelque chose qui ne fait pas partie de notre religion, ce sera rejeté. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, iyyakum muhdathat al-umur, prenez garde aux choses inventées dans la religion, car toute chose inventée est une bid'a, et toute bid'a est un égarement. Hein? Donc eux, ils ne tiennent pas compte de ces versets-là, et de ces hadiths-là. Hein? Et il se base sur qu'est-ce que des gens ont fait. Yani, peu importe si c'est vrai ce qu'il dit, Allahu alam. Mais il se base sur ça pour essayer de justifier quelque chose qui est contraire à l'islam. Ça me fait penser à l'argument de quelqu'un qui voulait essayer de permettre la mixité entre les hommes et les femmes. Hein? Un prêcheur musulman, soi-disant, qui voulait permettre ou rendre licite la mixité entre les hommes et les femmes dans les activités islamiques. Alors, qu'est-ce qu'il a utilisé comme argument? Il a dit, lorsque vous êtes à l'université et que vous êtes assis en classe, vous êtes tous mélangés, hommes et femmes, et vous travaillez ensemble. Mais quand vous faites des activités pour l'islam, pour Allah, là, vous voulez vous séparer? Donc, lui, il utilise quelque chose comme un exemple qui est à la base haram, pour essayer de justifier quelque chose, une autre chose, et il veut le rendre halal à cause de quelque chose qui est à la base haram. C'est des analogies inversées. C'est corrompu, totalement corrompu. Parce que de se mélanger dans la classe à l'université, hommes et femmes, et de travailler ensemble, ça c'est haram. Donc comment tu peux te baser sur quelque chose qui est haram pour essayer de rendre quelque chose haram halal? Ça fait aucun sens de raisonner de cette façon-là. Hein? C'est le contraire qui est correct. Si par exemple, wa alaykoum salam wa rahmatullah, c'est le contraire qui est correct. C'est de dire, si c'est interdit pour les musulmans, regardez comment les ulama ils ont argumenté pour interdire la mixité entre les hommes et les femmes. Ils ont utilisé le qiyas islamique, qui est le contraire de ce que ce prêcheur-là disait. Ils ont dit, regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour séparer les hommes et les femmes. Premièrement, il a ordonné à ce que les hommes et les femmes soient séparés dans la mosquée. La mosquée, qui est le meilleur lieu sur terre. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Khayrul biqa'i ilallah al-masajid ». Le meilleur lieu sur terre, c'est la mosquée. Et c'est le lieu dans lequel on se réunit pour adorer Allah et pour se rappeler d'Allah. Dans ce lieu-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a séparé les hommes et les femmes. Il a ordonné aux femmes de prier derrière et aux hommes de prier en avant. Et en plus, wa alaykoum salam wa rahmatullah, il a dit, les meilleurs rangs pour les hommes sont les premiers rangs. Et les meilleurs rangs pour les femmes sont les derniers rangs. Ça veut dire, plus que les hommes sont éloignés des femmes, mieux c'est. Et plus que les femmes sont éloignées des hommes, mieux c'est. Non seulement ça, dans sa mosquée, il a ordonné à ce qu'il y ait une porte pour les hommes, une porte pour les femmes. Il ne les a pas laissés sortir les deux par la même porte. En plus, il a ordonné aux femmes de se voiler et de se couvrir avec le djilbab. Et même que les sahaba, ils disent, lorsqu'ils priaient dans la mosquée, les femmes et les hommes, ils étaient séparés, et les femmes étaient en arrière. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminait la salat, les sahaba restaient assis pour donner le temps aux femmes de quitter, pour rentrer chez elles, pour pas qu'ils se croisent sur le chemin. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit même dans le hadith, lorsque les femmes marchent sur la rue, hein, ou dans les rues, c'était pas des rues comme aujourd'hui, hein, à l'époque, mais il dit qu'elles ne prennent pas le centre du chemin, mais qu'elles prennent le côté du chemin, c'est-à-dire qu'elles longent le bord des murs, hein, pour pas qu'elles, justement, qu'elles se frottent ou qu'elles se collent aux hommes sur le chemin. Donc tout ça fait partie des précautions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prises pour ne pas que les hommes et les femmes se mélangent dans le meilleur lieu. Et les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la mixité et que les hommes et les femmes se mélangent dans le meilleur endroit et qu'il a mis en place toutes ces règles et toutes ces interdictions, que dire de leur interdire de se mélanger dans des lieux qui sont moins bons que la mosquée, dans lesquels les gens sont plus loin d'Allah, et dans lesquels les gens, justement, peuvent plus facilement tomber dans le péché, c'est encore plus obligatoire de leur interdire la mixité dans ces lieux-là que dans la mosquée. Hein? Voyez comment les ulama, ils ont fait ce qiyas. Le contraire de ce que eux ils font. Ils prennent quelque chose qui est déjà à la base haram, hein, et ils se basent sur ce haram-là pour essayer de rendre halal ce qui est haram, alors que ça devrait être le contraire. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, si tu utilises ce genre de qiyas, tu vas même permettre le shirk. Si tu utilises le qiyas que cet individu-là, il utilise là pour essayer de justifier le Mawlid al-Nabawi, il va même arriver à permettre le shirk et le kufr. Si tu utilises ces raisonnements-là. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, c'est pour ça que il faut faire attention, parce que l'ignorance se propage. Hein? Et l'ignorance, c'est comme, comme on dit, hein, c'est contagieux. Et c'est comme, comme on dit, un microbe ou une bactérie. Hein? Ça se multiplie et ça se propage. Comme une pandémie, comme une épidémie. C'est la même chose. L'ignorance, c'est comme ça. Donc il faut la contenir pour empêcher qu'elle se propage. Et il faut propager la science et la connaissance et la compréhension et les explications de l'islam pour que les gens puissent être protégés justement de ces égarements-là et pour qu'ils soient yani, sur le droit chemin, inshallah, par la permission d'Allah. Donc, si vous avez appris quelque chose de l'islam, si vous avez appris quelque chose de la sunna, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec les gens que vous connaissez. Partagez-le avec vos proches, avec vos amis. Invitez-les à la vérité. Gardez pas les choses pour vous seulement. Parce qu'on n'est pas des juifs, hein? On est des musulmans. Pourquoi je dis on n'est pas des juifs? Parce que les juifs font pas de da'wa. Vous n'allez jamais voir un juif qui appelle quelqu'un pour lui dire « Deviens juif avec moi. » Hein? Parce que eux ils considèrent que la vérité, c'est quelque chose qui leur appartient et c'est juste pour eux. Ils n'ont pas besoin de le partager avec d'autres. Hein? Parce qu'ils sont le peuple élu. C'est seulement eux qui est le peuple élu, personne d'autre. Alors que nous, dans l'islam, non. Hein? Toute l'humanité est appelée à croire en Allah et à suivre le messager. Et le musulman, il a le devoir d'appeler les autres au droit chemin et à la vérité. Peu importe son origine, peu importe sa couleur, peu importe sa langue, peu importe son pays, peu importe l'endroit d'où il vient. Il n'y a pas de limite raciale ou nationaliste. Ou il y a des affaires de ce genre dans l'islam. On doit appeler tout le monde à la vérité. Et si on fait ce travail-là, c'est sûr qu'on va voir que la vérité va devenir plus forte. Mais si on arrête de faire notre travail, on arrête de propager la vérité, on arrête d'inviter les autres à la vérité, même si on n'est pas des savants, mais si on n'est pas des savants, mais on peut partager avec les autres les paroles des savants, leur partager un livre, leur partager un audio, hein, donner ça aux gens autour de nous, faire entendre aux autres la vérité. Et si on fait ça, les choses vont s'améliorer. Les choses vont changer et les gens de la vérité vont devenir plus nombreux et les gens du faux vont devenir moins nombreux. Alaykoum salam wa rahmatullah. Mais quand les gens du faux, c'est eux qui sont les majoritaires et c'est eux qui ont le pouvoir et c'est eux qui organisent tout et qui décident tout, eh bien c'est ce qui arrive par la suite. Les croyants, ils deviennent de plus en plus faibles et puis après ils se font marcher dessus et puis ils sont obligés de se plier yani aux décisions que font les gens de l'égarement. Hein? Et on subit ça, nous. On subit ça. Donc, il faut faire ce travail. Et cette parole-là, c'est Cheikh Ibn Baz qui le disait. Il le répétait tout le temps. Il disait tout le temps, il faut que... ordonner le bien, interdisez le mal, appeler les gens au bien, pour que les gens du bien augmentent et pour que les gens du mal diminuent. Donc c'est en faisant ce travail-là que les choses vont changer. Et avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.